plage. Au fond, mon Dieu, tout le monde s'en fout. Vu que les fous souvent sont sages, et que les sages gouvernent les fous. Enfin, messieurs, voyez le drame. Jour après jour, on continue de la médiocrité de l'âme à l'agonie d'un monde perdu. À vivre barricadé de hargne, à pourrir sous des mots doux. On nous apprend au plus jeune âge à s'enterrer dans les étoiles, à rêver seul dans son trou. Alors on vit, on tourne les pages d'une ironie au mauvais goût. Et nous volons en décalage. On a compris que l'on n'est rien du tout à part les pions de quelques ânes. Que l'on élit la corde au cou. Moi je dis non, qu'ils aillent au diable. Allez crever si vous les fous. On nous apprend, on nous condamne à vivre barricadé de hargne, à pourrir sous des mots doux. On nous apprend au plus jeune âge à s'enterrer sous les étoiles, à rêver seul dans son trou.